Il y a combien de mesures? 4 x 16, non? Hein? Non, je sais pas. Il y en a combien de mesures? Je sais pas compter. J'y vais. Putain, ça fait chier. Il est reparti, Titi. Allez. Take les lyrics. J'arrive, je prends des paroles. J'ai perdu les paroles. Bon ben, j'ai perdu les paroles. Bon, on zappe. On zappe. On va zapper, hein. Ah, Titi, reviens. Ah, Titi, je voulais refaire la chanson, mais j'ai perdu les paroles. Putain. Je sais pas ce que j'en ai fait, putain. Non, non, non, non, non, non, non, non. Attends. Aujourd'hui, tu es loin, et je n'entends même plus ta voix. Que deviens-tu? Tu t'es perdu. Thank you. toujours es-tu loin de moi. Je n'entends même plus ta voix. Que deviens-tu? Putain, vous êtes chiant avec vos commentaires. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon.